6:36, revenons à nos moutons, revenons à notre campagne électorale à Québec. By the way, j'ai la triste tâche ce matin de vous annoncer qu'il y en aura pas de débat la bombe lendemain. Non. Changer d'idée? C'est pas la bombe qui a changé d'idée. Non, cette semaine... Okay, t'as peur, là. Si c'est pas la bombe, c'est qui a le luxe de pas vouloir de débat? On peut se poser la question, parce que moi puis Rich, cette semaine, on a commencé à travailler là-dessus un peu. On a envoyé des invitations, on a envoyé des emails à l'équipe La Bombe, on n'a pas eu de réponse encore concernant l'invitation. Mm-hmm. Mais l'invitation qu'on a envoyée à Démocratie Québec, on s'est fait dire non, là. Ah ouais? Ouais, David Lemelin nous a dit non à un débat avec Régis Labeaume. Non, pour cette semaine ou non pour tout le temps? Monsieur 7% refuse le débat, tout débat avec Régis Labeaume. Mais voyons. Le gars qui a vraiment pas les moyens de se passer d'une tribune nous a refusé ça. Et pis c'est drôle parce qu'un matin, Karine Gagnon, dans le Journal de Québec, signe un texte où elle dit que l'opposition est dans le chaos le plus total. Ouais. Autant sur le plan des communications, elle essaie d'envoyer des emails au gars des coms, ça répond pas trop, c'est compliqué. Le gars écrit avec son adresse de son autre job, gars, ça fait pee-wee, là. C'est une gang de pee-wee, là. Il colle un point de presse à 7h, mais il est rendu 6h20. Ben c'est ça, fait qu'à date la réponse, c'est pas mal non là, un débat là. Et on attend toujours la réponse d'équipe La Bombe, mais la réponse qu'on a eue de Démocratie Québec, c'est non, on n'est pas intéressé à faire un débat à la radio avec Régis La Bombe. Bon, ben si l'opposition veut pas faire de campagne électorale, faudra se tourner vers les vrais acteurs de notre ville. Agnès Maltais, un Jean Gagnon. Et voilà, bon, on va en avoir un demain, là, un député là, qui vient nous voir demain matin pour jaser des dossiers de la région de Québec, là, un ancien ministre là, qui va venir essayer de brasser ça un peu. Là. OK. Mais on n'aura pas le choix, là, je veux dire. Puis j'attends encore que quelqu'un se présente à la mairie contre Régis Labeaume. Le chiffre important du sondage d'hier matin, c'est 20%. 20% d'indécis. Qui est beaucoup plus élevé que le 7% que va chercher Démocratie Québec. Puis ce que tu me dis ce matin, c'est que David Lemelin renonce à gagner des votes, là. Il renonce à venir débattre ici avec le maire de Québec. Ben c'est ça. Si tu veux pas débattre à Radio X avec le maire de Québec quand t'as 7% d'un sondage, tu renonces à gagner des votes. Parce que la dernière fois que j'ai regardé notre sondage l'automne passé, c'était pas mal numéro 1 ici, là. C'est ici qu'il y a le plus d'auditeurs, là. Oui. J'aurais même été prêt à y offrir le plus gros quart d'heure de la radio de Québec. C'est vers 7h, 7h15 ici le matin, là. Mm-hmm. Mais ça n'a pas de l'air désintéressé. Puis le 20% de gens qui n'aiment pas La Bombe pour une raison ou pour une autre, il y en a un maudit paquet qui écoute ici. Oui, on en est témoin. Il y en a beaucoup qui aiment La Bombe, mais ceux qui l'haïssent, on dirait qu'ils écoutent. Il y en a beaucoup qui écoutent ici, là. Il y a rien. Ouais. Tu sais, ces gens-là veulent juste donner le vote à quelqu'un d'autre que Régis La Bombe. Et quand David Lemelin est venu en onde la semaine passée, Oui. Il y a des gens qui ont dit, ben bon Dieu, je l'haïs La Bombe, mais David Lemelin va me forcer à voter pour. Ben, t'es obligé de voter pour La Bombe quand même. Accident sur Henri IV un peu avant Amel, c'est dans la voie de gauche, selon un auditeur sur live à RadioWix.com. Oh. Rich, as-tu eu des appels là-dessus? Non, je pense pas. Je pense qu'il n'y a pas eu d'autres appels, là, mais ce serait sur Henri IV, donc, auteur Amel. 670-9098, si vous avez des détails supplémentaires. Parlant de La Bombe, hier, il a fait ses promesses là, pour le secteur Sainte-Foy, Cap-Rouge, et il a commenté d'autres dossiers. Peut-être commencer avec le dossier Montréal, le dossier du transport. Il a répété hier que lui, s'il y a un tramway à Québec, il faut que le gouvernement du Québec le paye. Il n'y a pas question que la ville de Québec mette une scène noire dans le projet de tramway, comme à Montréal. Pourquoi on paye 1,5 milliard la ligne bleue vers l'Est à Montréal qu'on annonce ça la semaine passée? Le gouvernement a annoncé qu'il payait 100% du 1,5 milliard. Je veux la même chose. C'est tout. Comme Montréal. Ça se défendrait bien. Ça arrivera pas, par exemple, je vous le dis. Ben, c'est pour ça qu'il le dit. C'est ça. Non, ce sera jamais avoué, là. Mais le projet de tramway à Québec, il vient de prendre le bord. Exactement, pour un Christie de bout. Je te dis pas qu'il n'y en aura peut-être pas un en 2051. Non, là, le tramway, là, c'est comme l'allergie au pollen. Hein. Une fois de temps en temps, ça revient. Là. Ouais, c'est ça. Moi, je suis résigné à ça. Mais ce que La Bombe sous-entend de plus en plus, c'est que le tramway est mis de côté pour au moins les 10 prochaines années à Québec. Exact. Et la chicane se poursuit avec le PQ. Hein. C'est assez spécial. Oui. Merci à notre collègue Gas, d'ailleurs, qui était à ce point de presse-là hier. Et je vais te faire entendre un autre extrait concernant Jacques Ménard. Et c'est drôle parce que des fois, le discours en campagne électorale et le discours en plein mandat, des fois, est différent. On peut donner le tramway comme exemple. Il faut ajouter à ça le dossier du diamant de Robert Lepage. Oui. Ça, là, le diamant de Robert Lepage, c'est sûr que le nom, hey, on entend le nom de Robert Lepage, ça peut pas être mauvais, hein, c'est sûrement très, très hot et très bon. On parle d'une salle de théâtre de 650 places qui va coûter 60 millions. Hein. C'est ça, là, le diamant de Robert Lepage. Ce qui a aucun sens, là. C'est ça. Et le maire est en train de se dire, ouais, c'est cher pas mal, hein? Il semble que c'est cher, je bougonne, dit le maire hier. Ben là, je bougonne. Ben, il bougonne. Et le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 30 millions de dollars dans la salle. La Ville de Québec doit débourser 7 millions. Et là-dessus, le maire dit, il n'est pas question qu'on mette une scène de plus. Mais ça, avant la campagne, il me semble qu'il parlait pas de même quand tu parlais du diamant de Robert Lepage. Ouais, là, je dirais que Régis Labeaume, depuis 3 semaines, ouais, nous fournit beaucoup de matériel qu'on garde dans nos tiroirs et nos archives. Parce que... Pour être sûr que dans 6 mois, on est encore en lignée pareil, là. Parce qu'avant la campagne, t'avais l'impression que le diamant de Robert Lepage, là, c'était la pierre angulaire du développement culturel à Québec, là. Là, c'est je bougonne, ça coûte trop cher. Ben, puis en même temps, moi, que Robert Lepage ait un quartier général à Québec, dans un quartier des spectacles qu'on veut développer, je trouve ça logique. Ouais, j'ai rien contre ça. Tu sais, puis une belle salle pour les élites de 650 places, good. Le problème, c'est que les élites se font une belle salle avec des sièges confortables. Faites-vous-en pas pour l'acoustique, ça va être top-notch. Ben oui. Faites-vous-en pas pour le confort des bancs, ça va être top-notch. Tout va être top-notch, là. À 60 millions, dans une salle de 650 personnes... Ça va être hot, hein? Oui, mais ouais, le gouvernement... Puis le gouvernement de la ville devrait dire, nous autres, on paye pas pour le luxe, on paye pour la base. Si vous voulez du luxe, les élites, vous allez le financer vous-même, vous ouais, irez chercher l'argent vous-même. Puis c'est un peu ça aussi qui va arriver, là. Faut le dire aussi, là, c'est que là, on vient de mandater Jacques Ménard de BMO Banque de Montréal là, pour... Lui, il ramasse l'argent ouais, privé. Organiser la campagne de financement. On peut entendre d'ailleurs le maire de Québec sur le recrutement de Jacques Ménard. Pour financer ça. Il est Jacques Ménard. C'est pas bien compliqué. Je connais Jacques, moi. S'il a pris ça, c'est parce qu'il sait qu'il va livrer. Puis c'est assez intéressant de voir que c'est un gars de Montréal qui va aller dans ses réseaux habituels là-bas. Puis je suis certain qu'il va traverser les frontières du Québec puis il va se rendre à New York. Il va aller chercher de l'argent ailleurs que Québec, finalement. Ouais, c'est ouais, ça l'objectif. Oui, oui, oui, c'est ça. Parce que pour le montant dont on a besoin, c'était pas... Québec... On n'était pas capable d'y arriver. C'est quoi sa mission? C'est quoi son objectif? C'est quoi le chiffre que vous souhaitez? C'est parce que je retrouve à ça, je me souviens plus maintenant. Okay, on a parlé de 8-9 millions, c'est ce que c'est un petit peu plus que ça. Là. Je vais vérifier. Fait qu'il y a un montant à aller chercher ailleurs, parce que la ville ne mettra pas une scène de plus dans ça. Puis tant mieux! Selon ce qu'on nous dit. Je veux le voir de plus en plus souvent, moi, ça. Il n'y a pas déjà un quartier général, lui, Robert Lepage, à Québec? Il y a l'ex-McKinnon, en bas, oui. Dans Dalhousie, là, oui. La caserne, l'ancienne caserne. Bon, en tout cas, là, c'est une salle de spectacle, parce que sa caserne, c'est pas une salle de spectacle non plus. Il fait de la production là-dedans. Là. Mais bref, c'est vers ça qu'on se dirige. Peut-être te faire entendre aussi, tant qu'à être là-dedans, là, un extrait sur les photoradars. Fait longtemps qu'on entend parler de ça. Hein? Oui. Les photoradars dans les quartiers résidentiels, je sais pas comment vous voyez ça. Moi, je suis pas contre à 100%. Moi, il y a rien qui me met plus en sacrement qu'un cave qui roule à 90 dans une zone de 50, dans une zone résidentielle. Mais en même temps, est-ce que je te parle souvent d'accidents impliquant non, des petits-enfants qui sont tués dans les quartiers résidentiels à Québec? Heureusement, non. J'aime mieux des photoradars dans un quartier résidentiel qu'une police cachée sur un terre-plein dans une zone à 70 ouais, qui devrait être à 90. Moi aussi, j'aime mieux un photoradar d'une zone résidentielle qu'un policier qui watch la voie réservée sur Laurier puis qui coince les automobilistes qui osent prendre la voie réservée. Entre les deux, là, j'aime mieux les photoradars. Et ça s'en vient, les photoradars à Québec, c'est ce qu'il a raconté à notre collègue hier aussi. Là, on a installé des faux photoradars. Moi, j'en ai un dans mon coin, moi c'est aussi. Il y en a un sur Nelson, c'est un capteur de vitesse, puis là, il affiche ta vitesse. Là, je l'ai vu avant d'arriver chez nous aussi. Là. Il y en a à quelques endroits, ça fait 2-3 ans d'ailleurs, qui nous mettent des faux photoradars. Ouais. Mais là, ce que je comprends, c'est que ça s'en vient, les vrais photoradars d'un quartier résidentiel. Monsieur Labeaume, qu'est-ce que vous entendez par mesure d'atténuation pour la circulation dans les quartiers résidentiels? Ah, des photoradars. Des photoradars, parce que, tu sais, on a fouillé dans le monde entier comment on pourrait régler ce problème-là. Puis la solution qui donne les meilleurs résultats, c'est le photoradar. Mais c'est des photoradars où on va annoncer à l'avance ceux qui sont là. Alors, on sera pas mesquins, on prendra pas le monde par surprise. Mais c'est la seule façon pour protéger les enfants. OK, parce que c'est un réel problème. Là. C'est tout le monde a décidé, ou à peu près, de prendre une autre voie pour passer d'est à l'ouest. Mais encore là, je vais vous dire que la côte Gilmore va beaucoup aider, parce que c'est trois côtes à Sainte-Foy-Sillery que les gens empruntent pour aller faire de la circulation de transit pour se rendre au pont. C'est la côte du Verger, côte à Gignac et côte de l'église à Sillery. Alors, le fait que Gilmore va être ouvert, ça va tout changer. Alors, les gens vont pouvoir prendre Champlain plus tôt. Par en haut, ils vont pouvoir, au lieu de monter Côte-à-Gignac, ils vont se rendre jusqu'à Gilmore pour se rendre au centre-ville. Ça va changer bien des affaires, en fait. Okay, je comprends, mais d'est en ouest aussi, c'est un problème. Là. Je peux vous dire moi-même, si je me confesse, je le fais. Là. Oui, mais encore là, c'est la première occasion que vous avez pour descendre sur Champlain, par exemple, c'est Côte-de-Sillery. Alors, la première occasion que vous allez avoir après la Côte-de-la-Montagne, ça va être la Côte-Gilmore. Alors, c'est autant de personnes qui vont pas prendre les trois autres côtes pour descendre. C'est vrai que ça va faciliter la vie du monde, l'ouverture de la côte Gilmore en hiver. Là. C'est mon devoir de citoyen de vous rappeler que David Lemelin est contre. Oh oui, ben oui, oui, il est contre. Il a pas voulu nous expliquer pourquoi, là, parce qu'il était en vacances quand ça a été annoncé. Là. Il y a moyen de prendre des vacances. Mais ça n'a pas de bon sens, ouvrir une côte asphaltée l'hiver. Voyons donc. Mais le maire a raison, c'est que d'ouvrir la côte Gilmore en hiver va libérer la circulation dans le quartier résidentiel en aire du Chul. Ça, c'est convaincu de ça, il a totalement raison. Puis les photos radars, ben annoncées à l'avance, rendu là, si tu roules à 70 d'un quartier résidentiel, tu le mérites ton ticket, excuse-moi. Ah, je pense là. Que oui. Moi, ça me met plus en crise quelqu'un qui fait ça que quelqu'un qui roule à 131 sur la 20. Là. Quelqu'un qui roule à 131 sur la 20 avec des bons pneus, un bon char dans des bonnes conditions. La police aime pas ça quand je dis ça, mais moi, ça me scandalise moins qu'un cave qui roule à 90 d'une zone de 50. 120-130, c'est pas mal la vitesse moyenne sur une autoroute. Ouais. T'as des dangers à 170 km/h, ça a pas d'un dimanche après-midi. Il y en a de plus en plus, d'ailleurs. Mais d'un quartier résidentiel, c'est sûr qu'ils font contrôler ça d'une mais façon ou d'une autre. Mais en même temps, je veux dire, heureusement, il y en a pas si souvent que ça, des accidents très graves dans les quartiers résidentiels. Mais quand il y en a un, on en parle longtemps, quand y en a c'est un, normal. C'est un trop. Souvent, quand il y a un accident d'un quartier résidentiel, c'est une petite fille qui jouait sur le bord de son terrain, là. C'est ça. Puis c'est choquant. C'est choquant de voir des caves rouler en fou à travers les maisons. 649, salut, Vin!